J'suis dans le sud sous le soleil avec ma famille et mes gosses. J'ai laissé Fafa sur Paris, je vais faire du quad, j'ai jamais aimé le golf. Ça fait du bien changer de décor, quitter la routine. Ce que je dis ça vient du cœur, si tu te sens mal, on appellera le toubib. Y'a des plaies qui cicatrisent, y'en a d'autres qui restent ouvertes. Si tu n'as pas d'expérience, regarde et laisse-nous faire. T'aimerais savoir vers où je crèche, peu importe le code postal, mauvais seront toujours les nouvelles. Donc apprécie comment je fais atterrir ma rime. Moi je veux claquer du pognon jusqu'en Amérique latine. La vivance ça se mérite, les voleurs finiront indigents. Tu m'as pris pour un pigeon, car dans ta caisse y'a plus rien qui rentre. Moi c'est Rino d'Italie, je suis, je reste indépendant. Aladino qui la bise. Qui sont les vrais, pas besoin de faire un grand débat. Moi c'est R2ENO et je suis toujours intransférable. Vaut mieux rien foutre que faire les choses à moite. Ça c'est ma politique, c'est faux, j'agrippe l'objectif. Avec les mêmes moites, personne nous mène la barque. Peu moment de joie, souvent le fou rire quand c'est bad. Y'a qu'avec des poussis qu'on sépare. Ce coup-ci faut des barres, j'connais pas les hauts les bas. Ce qui m'importe c'est faire mes bas, histoire que vous levez haut les bras. Demande à R2, ils n'ont pas l'air de faire les choses c'est merdeux. Nous on s'apprête à faire feu, j'suis pas plus sérieux que dans mes bars. Ce qu'il me faut c'est changer d'air sans détresse. Mais surtout pas sans méga, j'suis sur mes gardes. Comment faire autrement quand les autres nous mentent pour être aimables. Le F il est flemmard, mais vrai sans effet. C'est qui fait qu'il est pénible. Tu peux garder tes pépettes si tu pensais que t'étais high. J'suis dans une autre sphère, genre intersidéral. Si mon phone est coupé, rien ne sert de laisser un message. Yo, c'est Fat, j'suis pas là pour le moment, laisse un message. Yeah. Ouais, laisse tomber, il a encore messagerie. Ouais, j'suis pas que c'est Melf, j'suis avec les autres là, donne signe de vie, gros. Encore une fois, je suis resté bloqué à Soigny. Encore une fois, squatter les bancs à moisir. Encore une fois, j'ai dépensé mon oseille à cotiser chez le paquis au lieu de me barrer au soleil. Yo. Donc laissez-moi, tous les jours c'est pareil. Retour à la case départ en train d'user mes semelles. Ces moments interminables à se faire chier, à se marrer. À la recherche d'un squat minable pour enterrer ma soirée. Enfoiré, y'a pas photo, faut profiter de la vie. Je sais que ça là entre poteaux avec Brice et l'Arpi. On est OP, ouais, on fait zoner, mec. Donc on profite vu que la musique ça peut stopper sec. Un moyen de plus pour s'échapper de la routine. On se casse le cul pour que ton projet aboutisse. Pas grave pour ta boire, y'a plus rien dans le frigo, frère. Abracadabla, je me transforme en Aristophe, mec. La terre est vaste et tu me verras la visitant à l'aube. Ouais, ouais. Entre l'Himalaya, l'Everest et le Kilimanjaro. Dans les bras de Karina, savourer ma pièce Kavitsa. Quand le monde se bat pour une pièce de quelques lipas. Chacun ses défaites et ses victoires, mec, c'est délicat. Combien s'inventent un vécu, mais n'écrivent pas le décès de l'histoire, hein. J'y ai pensé comme de palpé l'insaisissable. Jusqu'à penser mes plaies qui ne sont pas synthétisables. Que mon fardeau s'évade au milieu de nulle part. Quitte à squatter les caves, je planerai dans le château neuf du pape. Chaque seconde ne s'accorde qu'une fois. Je sais qu'un jour viendra où la mort me tuera. Avec ou sans témoin, je m'en vais loin de la vie morose. Et quoi qu'il arrive, j'ai le sourire de Mami Cogno. Aujourd'hui le temps s'arrête, j'ai désactivé le chrono. Ma plume a mis le cap vers le paradis sonore.